12.42, exercice test, impératif, pronom et négation. Complétez selon l'exemple. Vous entendez? Je me lève. Et vous écrivez? Non, ne te lève pas. 1. Je suis les manifestants? Deux. Je t'accompagne? 3. J'appelle Guylaine. 4. Je m'arrête. 5. Nous nous arrêtons. 1994, Yale University.